Où est-ce que tu achètes tes raviolis? Ils sont délicieux. Je les fais moi-même et je les congèle. J'en fais 2 ou 3 kilos d'avance et j'en prends un peu à chaque fois. Tu les fais cuire surgelés? Oui, et je les retire quand ils remontent à la surface. Il en faut combien par personne? Si c'est un plat, il en faut au moins 100 grammes. Si c'est une entrée, on en met quelques-uns.